boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Salut à tous, soyez prêts à découvrir un pop and rock décousu, pas de nouveautés particulières, pas de oldies but goldies, juste l'envie de vous envoyer dans le désordre ce que j'ai écouté cet été, à commencer par le Kaiser Chief qui a ouvert ce 236e pop and rock sur la très locale RVR et qui, comme le Chad 7 qui arrive, a agrémenté mes longs voyages normands en Pégase avec Nida. Would you stay on standby because I need another alibi? Yeah. soleil, on se protège de la canicule et on écoute Pop and Rock sur la très locale RVR. Je sais, j'avais dit pas de nouveauté, mais le pêcheur, le sinner qui vient de passer, c'est le tout nouveau The Coral. Donc, du coup, on va s'en faire un plus ancien. Shadows Fall. Morning calls, darkness draws. Upon this day, a shadow falls. Silence walks through the hall. Since I've been gone, gone, gone. 100 years from today, lamplight to blaze paves my way. Till Jesus saves my early grave, I will be gone. Gone, gone. Drop the anchor.

On va être clair, une petite doublette des Alaskiens de Portugal de Maine, ça ne nuit pas à la santé, pas plus que le dernier Romy Vegar Group, ça s'appelle Nothing Really Changes par RVG. Préparez-vous pour les 6 prochaines minutes, on écoute Matt Hollywood et The Bad Feelings pour son Carl Sagan. Hein ? Carl Sagan ? Peter Sagan ? Oh, ça va la voix off, tu nous l'as déjà fait. Je répète, Matt Hollywood and The Bad Feelings, Carl Sagan. Oh. Hey!

Je ne sais pas si le Brian Johnston Massacre ça vous parle, peut-être un petit peu si vous écoutez régulièrement votre pop and rock. Mais bon, plus j'écoute de groupes, plus je me rends compte qu'il existe des copies à ce Brian Johnston Massacre de Matt Hollywood qu'on vient d'écouter avec son Carl Sagan à Underground Youth. Mais je crois qu'il y a une formule intéressante qui dit « rien ne vaut l'original ». La preuve. We'll be right back. Comme tous les lundis, entre 17h et 18h, vous écoutez Pop & Rock sur la très locale RVR. Comment se remettre d'une triplette du Brian Johnston Massacre à part aller courir les voir en live? Live pendant lequel vous regretterez peut-être d'avoir misé vos euros. Quoique, dans un bon jour, mais bon, revenons à nos moutons du soir. Voici Whiskey Myers. You know I tasted that desert wind. few things I've learned from my crooked road. And like they were living, if you spend it alone, it takes a whole lot more than flesh and bone to get it right. So stick to your guns and let your roots run deep. Don't be scared of taking a leap. It takes some falling. Leave it all behind. Don't be afraid. moment. The blind leading the blind. Les États-Unis ont peut-être un bon côté, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais lorsque l'on rencontre un ricain si l'on parle à un gars qui copine avec les armes ou avec le Trump. Mais bon, restons dans la musique. Beaucoup plus tendre, il y a de Mars Volta. Thank you. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bis à tous. We know you'll be satisfied.